pas de radio et pas d'insultes. Non. Gérard. Alors, Gérard, 7h52. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. Alors, bonjour, baisse un petit peu ton micro et parle bien devant. Et on y va, on attaque donc les débats de Gérard qui portent sur... Les tenues vestimentaires. Alors, on accueille. On accueille Fabio, 20 ans de Nantes. Bonjour. Bonjour, Gérard. Et Nicole, 19 ans de Nice. Salut Gérard, salut tout le monde. Pas plus fort ma chérie, on t'entend pas très bien. Salut Gérard. Voilà, salut. Parfait. Et Steve, bon, 20 ans de Paris. Salut mon grand, comment vas-tu? Ça va. Donc, débat sur les tenues vestimentaires. Ouais, tu ce matin. Et donc, ça va bien grave. Ouais. Vas-y, Gérard. Dans quelle tenue êtes-vous au réveil le matin? Alors, on demande à Steve. Ben, j'ose pas trop le dire parce que c'est la tenue d'Adam, quoi. Ah, d'accord, ben, la tenue d'Adam, c'est quoi ça? Tu veux dire au moment où tu te lèves le matin? Ou au moment où tu Tu nu, quoi. Au réveil le matin. Ah, ben, quand je me lève, je suis à Walp. Ah, ok. Nicole? Moi, c'est en tout cas en culotte. Mmh. Et Fabio? Et moi, c'est en caleçon et en t-shirt. Et si je vous dis en même temps, mettez-vous des cravates tous les jours au réveil. Nicole? Ouais, Nicole. Ah bah bien sûr, quand même. Ah ouais, t'as déjà vu des nanas qui portent des cravates? Bah bien sûr. Ah. Bah ouais, moi j'en suis un exemple vivant. Ah bon? Bah oui, j'en porte tous les matins. Ouais, bah moi j'ai jamais vu une nana qui portait des cravates encore. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que je connais pas les nanas qui portent des cravates, qui apprenaient pourquoi. Et comment? Dans quel sens? Et Fabio? Oui, Gérard, moi je ne porte pas de cravate. Je ne porte que des nœuds papillons. Non mais Ah, ça aussi. Bah oui, c'est aussi bien, et Steve? Bah au matin, quand même pas, Gérard. Par contre, ouais, les cravates, j'en fais la collection et c'est classe. Ah ouais, tu fais la collection des cravates. Ah ouais. Et toi, Gérard, tu t'es mis comment le matin? Ça se passe comment? Le matin au réveil, t'es comment? Cravate? Non, voilà. T'es comment? Gérard. Tu vas comment? Ouais, moi, je dors Walpé. Comment, Gérard? Ça doit sentir bon sous la couette. Et si je vous dis, préparez-vous aux chemises, au réveil ou autre. C'est-à-dire, si des fois, votre nana peut pas vous... Je vous explique un peu, si vous, parce que souvent il y a des nanas qui ont pas qui veulent pas repasser les niquettes, c'est vous qui les repassez le matin. Toi, bon, toi, il va nu avec toi, elle repasse pas, mais c'est à la maison qu'elle repasse pas. Elle passe une fois, elle repasse plus après. C'est même pas à faire. Donc, ton Steve? Eh bien, est-ce que je prépare mes chemises la veille, c'est ça, ou le matin? Oui. Ou autre? Bah, autre, c'est-à-dire que c'est ma copine qui me repasse tout ça, tu vois, pendant quelques heures, tu vois, à la télé, et puis voilà. Non, mais je parle d'autre chose, c'est très bien les des t-shirts. Des chaussettes, par exemple. Ah ouais, tu repasses des chaussettes, toi? Il faut repasser en premier, pareil, ouais. Bah ouais. Ouais, bah tu me diras comment tu fais pour repasser une paire de chaussettes. Ah bah je te montre, Gérard, tu repasses jamais tes chaussettes? Ah mais ça se repasse pas des chaussettes, hein. Non, ah, ça se tape pas non plus chez Gérard. Fabio? Oui, moi je repasse la nuit, Gérard. Et tu dors le jour, toi? Toutes mes affaires. Et tu dors le jour? Ah non, j'ai pas le droit, c'est ma religion m'interdit. N'importe quoi. Donc, pendant le temps encore, 7h56, on pose encore une petite question quand même là. Gérard, il est tellement habitué maintenant à faire court qu'il fait très court là. Mais Gérard, oui. Gérard, je voulais te demander, toi tu repasses quoi? Tes t-shirts par exemple? Comment ça se passe, mais toi Gérard, de ton côté? Parce que tu réponds pas à tes propres questions. Comment ça se passe, toi Gérard, de ton côté? Moi personnellement, je repasse pas les t-shirts. Non, tu ne repasses pas tes chemises non plus, non. Tes slips, non plus. Tes chaussettes, tes cravates. Non, des cravates, j'en mets pas pour moi. Mais tu repasses jamais, quoi. Ah non, non, je laisse ça à la femme. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que j'aime pas repasser les chemises, moi. Et pourquoi? Mais pourquoi? Il n'y a pas les pourquoi des chemises, j'aime pas les repasser. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête, oui. T'aimes bien t'habiller tout froissé ou quoi? Ben, je suis pas froissé, non. Non, mais ça va, parce que du moment que t'es gentil avec lui, il est pas blessé, il est pas froissé, ça le dérange absolument pas, Gérard. Est-ce que pour toi, il y a quand même une tenue vestimentaire, Prince? Est-ce qu'il y a vraiment une tenue, comment dire, qui est faite, qui se marie bien avec le matin? Avec le matin, ben, c'est costume-cravate. Avec une chemise blanche, bien repassée. Bah alors pourquoi tu fais pas ça, toi, le matin? Tu me verras jamais avec une chemise et une cravate, t'es à la radio, hein. Ah bon, ouais, sinon, si tu travaillais pas à la radio, tu viendrais, tous les matins, t'irais dehors avec un costard cravate et une chemise blanche, bien repassée. Ah, ouais. Non. Voilà, il a mis un t-shirt Francky Vincent avec le tombeur. Et effectivement, dégueulasse et pas repassé. Ah, non, il est pas dégueulasse. Ah, et la tache qu'il y a sur la manche gauche, c'est quoi? Du café. Du café, non, mais c'est pas une tache, c'est normal. Ça fait partie de la... Ouais. Et si je vous dis, sortez-vous en pyjama pour aller travailler? Oh non. c'est mon tuyau. Ouais. Ouais, ben ça m'arrive. De sortir en pyjama? Non, de travailler en pyjama. Et dans quel sens? Dans le sens que tu veux, c'est que moi je travaille dans une boîte de nuit. Ouais. Et comme j'ai fait des strips, tu vois, ça m'arrive de faire des combis en pyjama. Donc tu fais du striptease? Je fais ce que je veux, Gérard. Nicole. Ouais, écoute, moi ça m'arrivait parfois, mais seulement parce que avant je souffrais de somnambulisme. Donc j'arrivais au bureau. Ah, c'est un autre compliqué pour Gérard, allez-y doucement quand même. Un somnambuliste, à mon avis, Gérard n'a jamais entendu parler de ça. Gérard, qu'est-ce que c'est de somnambule? Non. Bon, bah je t'explique. Allez, en deux mots. En deux mots, vite fait, Steve. C'est... Gérard, c'est Fabio, je peux répondre. Vas-y, vas-y, Fabio. Somnambule, c'est quand tu dors en faisant des bulles avec le nez. Voilà. quoi Steve. Bah écoute, non, moi je descends pas en pyjama parce que je t'ai dit je dormais à poil, donc j'ai plus de pyjama. Et tu vas au travail à poil, donc? Ça m'arrive. Bien sûr, bien sûr. Tu crois quoi, je vais te croire? Bah, tu paries? Là, je sais pas. Ah, ben, il va venir à la radio comme ça, tu vas voir, il va venir punir pour venir faire un petit bizarre. Envoie les photos. Ouais, comptez de. Alors, Gérard, toi, de ton côté, réponds vite à la question. Parce que ça tire au boulot, ça nous fait plaisir de voir qu'un de ces quatre qui viennent au travail comme ça, juste en pyjama. En pyjama, ça peut être sympa. J'en porte pas des pyjamas. Oui, mais t'en as un chez toi? Non, d'accord. Petite conclusion de ton débat force à fatigue pour démarrer la journée, quasiment 8h, ouais, donc Fabio, oui. Alors pour faire une petite conclusion de ce débat, pour que les gens qui nous écoutent, faut-il partir effectivement, comment faut-il être revêtu le matin de son corps tout beau pour aller au travail tout sale? Eh ben, je pense que le mieux c'est de s'en sentir bien devant sa peau, donc d'être habillé comme on en a envie, quoi. Très bien, la demoiselle. Écoute, de l'avis de Fabio. Mais Gérard, ouais. Je voulais te dire un dernier truc. Allez, vite, vite. Est-ce que tu t'es enfin décidé à rendre le tableau? Ce n'est pas une conclusion. Alors, la question suivante. Steve. Ouais, simplement, bah, débat très sympa. Maintenant, j'ai la pêche, je pars au boulot et j'ai la vie. Aujourd'hui, c'est le moine. C'est vrai que ça, la vie fait le moine. Est-ce que tu le savais, ça, Gérard? Bien sûr. Tu étais au courant de ça? Qui te l'avait dit, ça? Quelque soit l'église, t'étais informé de ça? Ouais. Ah bah d'accord, bah t'es sur le coup. Alors Gérard, et toi, la petite conclusion de ton débat fort sympathique? Ma petite conclusion, bah c'était pas mal pour commencer la journée à 8h du matin. Ouais, parce que personne se lève avant, bien sûr. Hein, tout le monde se lève à partir des débats de Gérard. Hein, sinon, c'est la grasse mat le mardi et on attend le lundi pour les débats de Gérard. Voilà. Toi, de mon côté, le vêtement, c'est quoi? Quelque chose de primordial. Voilà. <C'est>... Voilà. Pas venir travailler à poil, hein, surtout pas. C'est interdit, c'est clair. Là, pour avoir l'inspection du travail qui nous tombe dessus, on peut être très très mal. Merci beaucoup, Gérard. Y'a pas de quoi. Et puis, Y'a pas de quoi, ça te coûtera 10 secs à la sortie. D'accord, très bien. Il est 8h tout pile, merci d'avoir choisi.